Envoyer se dit mandar. Pensez au mot français mandat. C'est de l'argent qu'on envoie. Donc, mandar veut dire envoyer. Quoique, on peut aussi dire enviar. Donc, si vous voulez dire il envoie, ça sera lo manda. Très bien. Lo manda. Lo manda. Et si vous voulez dire il me l'envoie, comment direz-vous ça? Il me l'envoie. Melo. C'est ça, melo. Manda. D'accord. Alors, encore une fois, il me l'envoie. Melo manda. Bien, melo manda. Et il ne me l'envoie pas aujourd'hui. No me lo manda. Oui, no me lo manda, manda. Encore une fois. No me lo manda. Manda, oui, aujourd'hui. Hoy. D'accord. No me lo manda hoy. Mais il me l'enverra demain. Pero. Pero, il me l'enverra demain. Me lo mandaré. Mandaré serait j'enverrai. Donc, me lo mandaré, ça serait je me l'enverrai à moi-même. C'est ce que vous venez de dire. Donc, je n'ai pas dit je me l'enverrai, mais il me l'enverra. Me lo mandara. Voilà, c'est ça. Mandara. Demain. Mañana. D'accord. Me lo mandara mañana. Si vous utilisez la forme avec le verbe aller, vous pouvez toujours dire il va me l'envoyer demain. Avec l'infinitif, les pronoms sont accolés à la fin. Si vous avez deux pronoms, ici c'est comme en français. Le pronom qui désigne le destinataire vient en premier. Donc, d'abord me, puis le. Manda melo. Bien, mandar melo. Il y a ici trois mots. Mandar, me, lo. Me, ça s'écrit tout attaché. Trois mots qui s'écrivent en un seul mot. Mandar melo. Donc, encore une fois, il va me l'envoyer demain. Ba. Ba. Ba. Ma. Mandarmelo mañana. D'accord. Va mandarmelo mañana. Il va me l'envoyer demain. Et si vous ne vous souvenez pas du futur ou de la forme avec le verbe aller, vous pouvez toujours employer le présent. D'autant plus qu'il y a le mot mañana, demain. Il me l'envoie demain, en employant tout simplement le présent. Lo manda. Il faut faire attention sur quelle syllabe vous insistez. Car si vous accentuez au mauvais endroit, on risque de ne pas vous comprendre. Me lo manda. Manda. D'accord. Manda. Manda. Vous avez dit tout à l'heure manda. Oui. Manda. Me lo manda. Il me l'envoie. Demain. Mañana. Me lo manda mañana. Donc, tout comme en français, pour exprimer le futur, on peut employer le présent. Me lo manda mañana. Ou la construction avec le verbe aller. Va a mandármelo mañana. Il va me l'envoyer demain. Ou le futur. Me lo mandará mañana. Il me l'enverra demain. Comment direz-vous je te l'enverrai aujourd'hui, mais je ne vais pas avoir le temps. Dans le sens, je voudrais te l'envoyer. Je te l'enverrai bien aujourd'hui. Te lo mandaría. Bien, mais accentue un peu plus nettement le verbe. Te lo mandaría. D'accord, c'est ça. Te lo mandaría. Aujourd'hui. Hoy. Te lo mandaría. Hoy. Mais je ne vais pas avoir le temps. Avoir le temps se dit tener tiempo. Pero no voy a tener tiempo. C'est ça. Te lo mandaría hoy, pero no voy a tener tiempo.